son épée. C'est pas pour s'amuser, mais c'est pour venger le bon droit meurtri des pauvres et des petites gens qui sont ses amis. Les canards dans la mare, les poneys dans les prés, les faisans dans les champs, les putois dans les bois, crie ton nom. Hors la loi, car il aimait le roi. Mais viendra le jour où sans plus de détour, grâce à Robin le roi rentrera pour toujours. Les canards dans la mare, les poneys dans les prés, les faisans dans les champs, les putois dans les bois, crie ton nom. Et sans peur, devant l'usurpateur, seul il s'est dressé pour la liberté, comme une étoile brillante au milieu de la nuit. Les canards dans la mare, les poneys dans les prés, les faisans dans les champs, les putois dans les bois, crie ton nom. Et la loi se bat Robin des Bois. Braves gens d'ici, moi je vous le dis, venez vite, Robin vous attend tous avec lui. Les canards dans la mare, les poneys dans les prés, les faisans dans les champs, les putois dans les bois, crie ton nom.